Une femme au sommet de l'Himalaya, par Mrs. Bullock Workman. J'ai couru dans les montagnes de l'Himalaya, les montagnes les plus hautes du monde, de terribles dangers. Par deux fois, j'ai vu la mort de près. J'ai senti son souffle sur mon visage, et le hasard seul m'a permis de revoir mon pays. J'ai supporté un froid rigoureux, le froid du pôle, sans aucun des conforts du bien-être et de la civilisation. La hideuse famine m'a menacé, nos provisions de bouche ayant été volées de la plus misérable façon. Cependant, j'ai pu revoir Paris et jouir du souvenir de ma 8e expédition, couronnée de succès, au cœur même de l'Himalaya inviolé. Il est vrai, deux de mes compagnons sont restés là-bas et n'en reviendront jamais. Le porteur italien Chenoz, de Courmayeur, est tombé dans une crevasse et s'est tué. L'autre, un natif des Indes, a été pris sous les glaces d'une rivière et est mort gelé. C'étaient de braves gens que la fatalité terrassa. Ces accidents cruels sont grandement à regretter, et je tiens, au début de cet article, à dire la tristesse qu'ils jettent sur mon expédition par ailleurs si heureuse, car je dois le reconnaître avec orgueil, le succès récompensa hautement mon entreprise. En effet, non seulement nous découvrîmes de nouvelles montagnes, de nouveaux glaciers, non seulement nous explorâmes près de 900 000 carrés de nouveaux territoires, mais nous eûmes la joie de rapporter des observations scientifiques du plus haut intérêt. Abordons maintenant le récit détaillé de mon voyage. Nous quittâmes Bombay en avril 1912. Outre le docteur William Hunter Workman et moi, il y avait à nous accompagner M. Grant Peterkin de Londres, chargé des études topographiques, assisté d'un arpenteur, un indien employé au cadastre, prêté par l'inspecteur général de l'Inde, des guides montagnards expérimentés, Cyprien Savoie, Adolphe Rey, Simeon Caisier et Chenoz, tous de Courmayeur, et environ une centaine de coolies, des Indiens, servant de porteurs. De Bombay, nous fîmes 1100 milles par chemin de fer jusqu'à Rabai Pindi, point terminus du nord de la ligne. Cette partie du voyage se passa évidemment sans incident, dans le confort et la gaieté. De là, nous continuâmes notre voyage, pendant plus de 200 milles, dans de primitives charrettes à deux roues d'une forme bien archaïque, et nous arrivâmes en cet équipage à Srinagar, à qui l'on peut donner le nom d'Interlaken de l'Himalaya. Cette ville est dans une situation charmante sur la rivière Jhelum. Des maisons s'y élèvent en bordure de nombreux canaux, animées d'une vie si intense et à tel point grouillante que la gracieuse capitale du Cachemire rappelle Venise. Et si cette Venise asiatique ne possède ni les palais fastueux de marbre, décorés par des Titiens et des Véronèses, ni les somptuosités du Tintoret, ni l'art unique de la cosmopolis de l'Adriatique, si ces rustiques ponts de bois ne peuvent soutenir la comparaison avec le pont des Soupirs ou le Rialto, encore est-il qu'au lieu de se refléter sur la lagune morbide, elle se découpe sur l'incomparable panorama des montagnes les plus hautes du monde. C'est à partir de Srinagar que commençait vraiment notre voyage. Pour pouvoir de cette ville gagner la région des glaciers, nous fûmes obligés de faire 23 jours de marche à travers un pays où évidemment il n'existe ni route, ni sentier, mais qui toutefois a plutôt des inconvénients que de réelles difficultés, eu égard à ce qui nous attendait. C'est alors que nous commençâmes à vivre sous la tente, notre seul et unique gîte pendant 3 mois et demi. Et c'est seulement à la fin de juin que nous atteignîmes le point que nous visions, point situé à l'est des monts Karakoroma, en bordure du Cachemire et du Turkestan chinois. Nous rencontrions fréquemment des animaux sauvages et des oiseaux particuliers à ce pays. Fréquemment aussi, nous apercevions des loups, des renards, des lièvres et une espèce de perdrix appelée chicor. L'animal qui nous intéressait le plus, toutefois, était une variété de bouquetin atteignant la taille du yak. Ces beaux animaux, n'ayant jamais été inquiétés ou tués par des hommes, ne témoignaient aucune frayeur à notre approche. Ils étaient d'une douceur charmante, et rôdaient autour de notre camp, à moins de 400 pieds, et nous examinaient avec curiosité. Nous n'avions aucun désir de tuer ces charmantes bêtes, car nous avions avec nous tous les approvisionnements suffisants, c'est-à-dire 15 chèvres pour avoir du lait frais aussi longtemps que possible, et 25 moutons à sacrifier au fur et à mesure de nos besoins. Nous trouvions avantageux et pratique d'avoir avec nous cette nourriture qui marche, car c'était autant de moins à mettre sur le dos des coulisses. Nous fûmes toutefois obligés d'abandonner nos moutons à 16 000 pieds d'altitude. À cette hauteur, l'herbe ne poussant pas, ils ne pouvaient plus se nourrir. ce nous fut un vrai chagrin et la source d'un grand nombre de maux, car continuellement les coulisses dérobaient les provisions de bouche, même leurs réserves particulières de nourriture. Quelquefois ils les cachaient sous des roches, attendant le moment du retour pour les retrouver et les emporter dans leur home. Parfois même, et sans plus attendre, ils disparaissaient et retournaient chez eux par les chemins d'alentour. Bien que tous nos Indiens aient été au départ munis de souliers, beaucoup d'entre eux refusèrent de s'en servir, préférant sans doute les rapporter tout neufs chez eux. Ils nous escortaient donc pieds nus, même sur les glaciers. Ce fait bien significatif peut donner une idée de la résistance de ces indigènes, qui, habitués au soleil brûlant des rivages sacrés du Gange, s'adaptèrent immédiatement au climat polaire qui sévit sur toute l'étendue de l'immense Himalaya. Peu de gens, en effet, se doutent de l'immensité de cette chaîne de montagnes. La France semble petite en comparaison de la surface de l'Himalaya et du Karakoram. Que l'on imagine un pays long de 2200 km et large de 300, la longueur de Paris à Moscou, la largeur de Paris à Angers. Notre point de départ, le camp qui nous servait de base, était à une altitude plus élevée qu'aucune montagne de l'Europe. Car en Europe, la plus haute montagne est le Mont Blanc qui s'élève à 4810 mètres, et le Mont Everest atteint le chiffre prodigieux de 8840 mètres. Et dans ce labyrinthe de sommets géants, plus de 100 dressent au-dessus de 7000 mètres leurs pointes orgueilleuses, plus de 100 entre lesquels se heurtent de fantastiques glaciers plus gigantesques qu'aucun de ceux des Alpes. Le glacier d'Aletsch, le plus long des Alpes, n'a que 23 km de long, alors que plusieurs glaciers de l'Himalaya dépassent 80 km. Le travail le plus important de notre expédition fut d'explorer le Grand Siachen, ou Glacier Rose, et d'en dresser la carte. Ce glacier est situé dans la région est des monts Karakoram. Pendant cet été 1912, cette immense étendue de glace fut entièrement explorée et arpentée par nous. C'est un travail dont nous avons lieu d'être fiers, car cette véritable mer de glace s'étend sur une longueur de 47 000, c'est-à-dire 75 km, et une largeur de 2 à 4 000, de 4 à 9 km. C'est certainement le plus long glacier qu'il y ait au monde, en exceptant évidemment les régions polaires. 6 semaines durant, nous vécûmes sur le glacier. Pendant ce temps, nos approvisionnements étaient assurés par un bataillon de 70 à 100 coulisses qui ne cessaient de nous apporter la nourriture nécessaire. Le glacier Rose est le glacier le plus découpé des Indes. Son exploration est périlleuse. Pour s'en approcher, il est nécessaire de partir de Baltistan, car l'accès n'en est possible que de ce côté. Pendant 25 milles, on marche à travers des crevasses et des précipices, et l'on trouve enfin, à une hauteur de 18 400 pieds, soit 5 600 mètres, le passage neigeux appelé le défilé de Bilafon. Pendant 5 semaines, nous campâmes à des hauteurs variant entre 4 900 et 5 800 mètres. Nous fîmes l'ascension de deux nouvelles cimes atteignant 6 400 mètres d'altitude, et nous découvrîmes et visitâmes les cols où se trouvent les lignes de partage des eaux du glacier, au nord et à l'est. Au moyen du théodolite, nous fîmes la triangulation d'environ 40 sommets. Parmi les nombreux pics que nous découvrîmes, les plus caractéristiques sont rassemblés comme une gerbe et sont situés à la naissance du glacier Rose. Sa Majesté le roi d'Angleterre consentit gracieusement à ce que nous baptisâmes cette gerbe de farouche fleur de glace du nom de groupe du roi George V, et ce nom sera inscrit sur la carte que nous avons levée. Sa Gracieuse Majesté, bien que je sois américaine, a consenti également à permettre qu'un magnifique piton découvert par nous fût décoré du nom de Piton de la Reine Marie. C'est, hélas, pendant le difficile travail de la levée des plans, qu'eut lieu le premier accident fatal que nous ayons à déplorer. Un certain nombre de coulisses, porteurs de provisions, aidaient les hommes de la mission chargés de la topographie. Deux des coulisses, semble-t-il, s'étaient risqués seuls sur le glacier. Soudain, l'un d'eux fit un faux pas, glissa et tomba dans un torrent presque glacé. On peut imaginer la situation atroce dans laquelle se trouvait le malheureux. Que l'on se figure un torrent, se précipitant dans une ruée furieuse au fond d'un ravin escarpé, dominé par des murailles de glace perpendiculaires, l'eau ayant tracé son lit elle-même à travers le glacier. Après des efforts quasi surhumains, le second indigène arracha son camarade au danger dans un état complet d'épuisement. Abandonnant le malheureux sur le glacier, il courut chercher des secours près de ses camarades. Ceux-ci étaient malheureusement assez éloignés du lieu de l'accident. Quand ils arrivèrent, l'infortuné porteur était mort de froid. Je ne me trouvais pas à ce moment dans le voisinage. Les jours suivants, quand j'appris l'accident, j'en éprouvai une grande détresse. Je décidai de servir une somme d'argent à la famille du malheureux coolie. Pendant l'été, le temps fut généralement très beau, mais nous eûmes toutefois à supporter de grands froids, équivalents presque à ceux que rencontra Amundsen au pôle sud. Pendant 2 semaines consécutives, la température s'abaissa jusqu'au 0 du baromètre Fahrenheit. Une nuit même, le thermomètre marqua -4 degrés Fahrenheit. Quand on considère que le chauffage central est inconnu sur les hauts sommets de l'Himalaya, que nous étions campés sous des tentes qui laissaient s'engouffrer le vent acharné, on peut se faire une idée des souffrances que nous endurâmes. De temps en temps, des tempêtes s'abattaient sur nous, soufflant pendant 30 heures, tempêtes ressemblant à l'ouragan alpin, dans la proportion où les Alpes rappellent l'immense Himalaya. Et malgré tout, le panorama du Grand Siachen ou du glacier Rose est un des plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Sa vue paye au centuple les souffrances endurées. D'un certain point commode où nous nous installions pour nos observations, 50 kilomètres de glacier s'étendaient à nos pieds et au-delà, les chaînes roses des montagnes dont les cimes s'élevaient à 25 000 pieds de haut. En longeant le pic K3, haut de 7743 mètres, l'un des géants de l'Himalaya, le plus imposant du Grand Siachen en dessous de sa source, nous entreprîmes d'en faire l'ascension par le côté qui nous parut le moins abrupt. Mais bientôt, nous nous trouvâmes en présence d'une muraille de granit verticale qui nous arrêta. Le travail de découverte des sources du glacier Rose était excessivement intéressant. Nous découvrîmes la source nord. Elle se trouve à la ligne de partage des eaux du bassin du fleuve l'Indus et du Turkestan. Le passage est à environ 6400 mètres de haut, et les montagnes que l'on aperçoit de ces hauteurs sont dans le Turkestan chinois. Nous avions installé notre camp dans la neige à 5500 mètres d'altitude, près de la tête nord du glacier Rose, et de ce camp les cimes que nous avions baptisées « Groupe du roi George V » étaient nettement visibles. Un autre défilé découvert par notre expédition se trouve à l'extrême ouest du Siachen, près d'un affluent de ce glacier. Ce défilé s'appelle le Siala et conduit au glacier Kabri que nous avions précédemment exploré. Nous visitâmes également les glaciers Machobran et Sherpigan, également aussi le glacier Bilafon qui est en communication avec le glacier Rose par un col situé à une altitude de 18 400 pieds, soit 5 609 mètres. Près de ce col s'élève le pic pointu de Taviz à une altitude de 6 400 mètres. La première ascension de ce pic fut faite par moi et des guides en juillet 1912. Ce fut sur le glacier Bilafon que nous échappâmes de très peu au risque d'être tués par une avalanche. Nous étions occupés à prendre quelques photographies quand une terrible avalanche se précipita d'une façon foudroyante sur nous. Elle devait nous broyer. Le hasard la fit dévier, mais elle passa si près que nous fûmes recouverts d'une poussière de neige. Toutefois, malgré notre émotion, nous eûmes assez de sang-froid pour photographier l'avalanche, et c'est là certainement une des plus curieuses photographies de sport montagnard qui existe au monde. Ce fut près du glacier de Bilafon, à une altitude de 5487 mètres, que le porteur italien Chenoz de Courmayeur perdit la vie. Sans que rien pût le faire prévoir, le glacier s'entr'ouvrit, et passant au travers d'un pont de neige qu'il n'avait pas vu, Chenoz disparut dans une crevasse profonde de 24 mètres. Il fallut plus d'une heure et demie pour amener l'infortuné à la surface. En dépit de tout ce qu'il fut humainement possible d'entreprendre, le malheureux guide mourut du choc, quelques heures plus tard, et des morsures du froid subies dans son tombeau de glace. En retournant vers les régions civilisées, nous nous servîmes d'une nouvelle route et pendant 3 jours nous errâmes dans l'inconnu. En traversant le glacier Rose, nous nous attendions à nous trouver sur le Bal Toro, exploré par le duc des Abruzzes. Quelle ne fut pas notre surprise de nous sentir en territoire inconnu. Après 2 jours d'observation attentive, nous découvrîmes que nous étions sur le grand glacier Kabri, et en le descendant, nous parmîmes heureusement à notre point de départ. Ainsi s'achève une femme au sommet de l'Himalaya par Mrs. Bullock Workman.